Pour une dose pause, ironique arrose pour un overdose cause. Et les conséquences, chance sans contrat. Cause et de récompense, on en parlait, mais nada. Parlement, mentir, mère à repentir. Assemblée jamais si on parle de ton avenir. Un avenir à son prix par la demande de monnaie. La Banque de Montréal s'empresse, diminue les intérêts. Esclaves, les Américains, on voit de la pyramide. Le grand maître est malade et peut renverser Aristide. Hein, on prend la bouche, on gobe toutes ces conneries. Alors qu'autour de nous, des femmes, des piques, des piques semblent se remuer pas. On est alliés, faut se réraconter dans ce complexe hôtelier. J'ai vendu mon tablier rempli de sang, je m'endors. Chut, j'ai d'une société sans mandat. Besoin de votre attention, vas-y là pour calmer la tension. J'en entends que tu pingues, d'autres qui perdent la raison. Parce que dans nos jours, faut qu'ils payent leur adhésion. Question de cash, pourquoi tu le caches, hein? J'aimerais juste que le monde sache sur quoi tu t'es basé. C'est tout ce qui s'est passé. Pour que je sois rendu là, moi des poules j'en ai brassé. Attitude, c'est pas trouvé, pas de jugement. Viens voir un show pour voir si je mens. Papa, papa, papa, j'ai des tendances kamikazes. Better be ready, I in phase. Attention, bande de cœur, je m'en viendrai dans votre salon. I make these beats for you, dance to them for you. I write blues for you, if I do for you.